30 avec DJ Bigou et Selecta Jalabaman. Seulement 89.1. Bien entendu, bien entendu. Bonjour, bon dimanche, c'est Michel Monette au micro pour l'émission Les Oreilles Ailleurs, une heure de musique provenant cette semaine de Russie. J'y ai déniché quelques artistes de la scène indépendante, surtout de la scène indépendante. C'est pas facile de faire carrière quand on est de la scène indépendante en Russie. C'est pas simple, il faut souvent faire plus d'un métier, sans compter la présence du monde criminalisé dans l'industrie de la musique. Enfin, passons. On va débuter avec un groupe qui s'appelle Alpha Beta. C'est un ensemble formé de musiciens provenant de divers horizons. Il y a Vitaly Teterin qui est de Seventh Myriad. C'est un duo de musique électronique. Il y a Ivan Zbanov qui est de DJ Imago. Ça, c'est de la pop synthé. Et aussi la chanteuse Katia Pavlova. Obedve, c'est un des groupes les plus populaires de la scène alternative russe. Obedve. Les membres du groupe se décrivent eux-mêmes comme un joyeux réseau de musiciens, mais efficaces. Joindre l'efficacité à l'agréable, c'est pas une vilaine idée en musique, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, on peut pas demeurer indifférent face à leur virtuosité alors qu'ils jonglent avec l'électronique, le disco, l'indie et le house. On les écoute dans Korobushka. C'était Alpha Beta dans Korobushka. On vient de m'apporter des billets pour un spectacle ce soir au Théâtre Le Petit Champlain. Vous avez simplement qu'à appeler 418-640-1586. C'est Tora et Hein Cooper. Appelez-moi tout simplement et j'ai des billets pour vous, quoi, pour un spectacle au Petit Champlain ce soir. Katia Pavlova, dont je parlais tantôt, qui fait partie de cet ensemble Alpha Beta, c'est plutôt un projet musical Alpha Beta. Katia Pavlova a aussi collaboré avec un groupe qui s'appelle Sansara. C'est un groupe né à la fin des années 1990 dans la ville de Ekaterinbourg, la quatrième plus grande ville de la Russie. C'est situé à la jonction de l'Europe et de l'Asie. C'est dans la région de l'Oural. Ils ont rapidement été repérés par les plus grandes maisons de disques russes. On les qualifie de meilleurs groupes issus de leur région. On écoute la chanson Tchelka, c'est tiré de leur dernier album. C'était Katia Pavlova, mais surtout le groupe Sansara dans la chanson Korobushka. La chanson plutôt Tchelka. On s'en va, on va se diriger tranquillement, pas vite vers le néo-folk, mais après une transition plutôt rock d'un groupe qui s'appelle Bitva. Bitva n'est pas originellement de la Russie, mais plutôt de la Bélorussie. C'est là qu'ils sont nés, mais ils se sont installés définitivement en Russie à compter de 1999. Ils se sont même russifiés en quelque sorte. sorte, puisqu'il y a seulement deux membres qui étaient du band original quand ils sont arrivés en Russie. Quant au néo-folk, c'est celui d'un ensemble moscovite qui s'appelle Yoki. C'est un beau mélange de sons traditionnels et modernes. On va entendre deux Posabita. Mais d'abord, écoutons la chanson Kipster de Bidva. Все одно, все такое не модное. Il y a qui dans Passa Habitat? Il me reste des billets à donner du spectacle. Torrent et Anne Cooper ce soir au Théâtre Petit Champlain. Appelez-moi, 418-640-1586. Ça me fait plaisir de vous les donner au nom du Théâtre Petit Champlain. On termine cette demi-heure avec le groupe Synecdoche Montauk. C'est un groupe de Moscou. La presse spécialisée là-bas a fait un parallèle entre le chanteur du band, Sava Rozanov, et Bon Hiver. À vous de juger. On les écoute dans Boudoucheye, précédé de Lebedi Noé. Поезд несется, не спится, метелится. Ночь бесконечная тянется, тянется. Я расскажу тебе все, когда он остановится. Боха, ох ты морозное чудище, ждет меня девица, отпусти. Если любимый ее простудится, она тебя не простит. Правда ли, что там вдали бухты и корабли, белые паруса, эх, места хватит на всех. Правда ли, что там вдали море из слез наплакали, и теперь только смех? Боха, ох ты, морозное чудище, ждет меня девица, отпусти. Если любимый ее простудится, она тебя не простит. Лебединое мясо. Вылетишь вон. CKRL 89.1. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as pas d'école? J'y vais pas, faut que j'apprenne mon texte. J'ai full texte à apprendre, je sais pas comment je vais y arriver. 2 piastres pour un billet. Ah ouais, pas de privilège. Là, une pièce de Serge Boucher dans une mise en scène de Marie-Hélène Gendreau, présentée au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec du 3 au 8 mai à 19h30. Billets disponibles au prix de 10 $ pour adultes et 5 $ pour étudiants. Informez-vous au 418-643-9833. Passionné de vélo, découvrez la boutique Le Pédalier, le marchand aux services personnalisés. Depuis 30 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier, 99 boulevard Bastien-Wendake, via Robert Bourassa Nord. 88 842 27 34 pédalier.ca. Pour commencer votre journée bien informée, écoutez les Matins éphémères du lundi au vendredi de 7h à 9h avec Caroline Stephenson. Les Matins éphémères sont une présentation de la boîte à pain Café Napoli. Des boulangers et des cuisiniers passionnés qui préparent chaque jour avec un plaisir renouvelé des pains artisanaux, des viennoiseries, des sandwichs et des pizzas de qualité supérieure. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e avenue Limoilou et le 289 Saint-Joseph-Est. Boiteapain.com. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. Prochain match, notre finale de la saison 2014-2015, dimanche 10 mai 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5 $. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Vous avez une carte de membre de CKRL? Obtenez 25 $ de rabais sur un massage d'une heure et plus chez Masso-Solutions Québec au Centre médical Mayo, 1900 Avenue Mayo. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Puis Gévigneau nous a appris que, en fait, il n'y a pas un mot qui devrait être inséré de force. Tous les mots dans une chanson ont leur intérêt. Et il nous a appris qu'un texte n'est jamais fini. Oui, à un moment donné, il faut que tu le laisses, mais il ne faut absolument pas essayer de faire fitter des mots qui ne fitent pas. Il a mis de l'eau de colombe sur ses joues. Il a battu sa femme à son goût. Anthony Roussel et ses créations intenses à Sentier Secret, mardi 5 mai à 10h. C'est Michel Monnette et c'est l'émission Les Oreilles ailleurs. La deuxième partie de l'émission, on la débute avec un groupe qui s'appelle Zimaf Zeg. Zimav Zegda. Ça pourrait se traduire par hiver éternel, ce nom russe. Bon, le polonais est plus difficile à prononcer que le russe, rassurez-vous. S'il y avait une caractéristique de leur musique, ce serait la mélancolie. Pour le leader du groupe Zenia Kubinin, la mélodie domine, le reste, paroles comprises, doit suivre. On va les écouter dans une chanson qui s'appelle Pat, qui veut dire, semble-t-il, impasse. Et ça va être suivi de Tichinav Pustote. На нем не поедем давай. Остается тебе. Все пролетит само собой, все случится само по себе. И только жутко скрипя, медленно Это еще один день из чужого окна. Главнокомандующий ходом вещей так и застал меня среди бетонных рек и многоэтажных чей-то ослепительный взгляд. Там, куда снаряды не долетят, там, где ни дорог, ни стен, и тишина в пустоте. И только море звучит бронзовых нот тысячи. Я врастаю в песок, я таю в воде. Так хорошо. Я теперь никто. Я сейчас нигде. Чей-то ослепительный взгляд. Там, куда снаряды не долетят. Тишина в пустоте, и только море звучит. не подхожу, я не подхожу. Ослепительный взгляд. Там, куда снаряды не долетят. Там, где ни дорог, ни стен. И тишина в пустоте. И тишина в пустоте. Тишина в пустоте. C'était le groupe Zimav Segda dans la chanson Tishinav Pustote. Prochain groupe s'appelle We Love You Winona. Avec un nom comme ça, vous vous doutez bien qu'ils ont démarré leur carrière en anglais. Il y a 7 ans de cela, en 2008, qu'ils ont démarré leur carrière. Ils ont décidé de renouer avec leur langue maternelle depuis, toutefois. Le leader du groupe, Ivan Malezik, prétend que c'est parce qu'il a réalisé que ses paroles sonnent bien en russe. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plus facile de se produire dans son pays. Pour ceux qui chantent en russe, on sait à quel point le patriotisme y est mis de l'avant depuis quelques années. Quoi qu'il en soit, on va les écouter dans une chanson qui s'appelle de leur dernier album. L'album, c'est Domoy. Et la chanson s'appelle Zakem Gorod. Зачем город мой дом? Зачем город мой дом? И каждый цветок в нем, и каждый цветок. Зачем город мой дом? Зачем город мой дом? И лица тех, кто встал, и тех, кто родился. Yeah. zaciem gore wodą. Zaciem gore tmą dolą. I każdy cytok w nią. C'était le groupe We Love You, We Love You, We Nona dans Zatchem Gorod. Prochain groupe, Kiralao, les membres du groupe doivent travailler jour et nuit. Le jour, ils travaillent. La nuit, ils travaillent aussi puisqu'ils jouent de la musique. Ils sont pas les seuls à devoir ainsi combiner deux et même parfois plus de deux métiers pour joindre les deux bouts. Je vous l'ai dit en début d'émission, c'est pas facile quand on est des artistes indépendants en Russie de faire carrière, de ne vivre que de sa musique. Une autre difficulté qu'ils ont, c'est de se situer dans la tradition rock de la Russie. Le rock n'était pas bien vu avant la chute du régime soviétique et ça semble redevenir plus difficile depuis quelques années de se situer dans un courant musical qui est plus occidental que russe. On les écoute dans une chanson qui s'appelle « Poi, Kira Lao ». Чуть-чуть, не C'était Kerry Lao dans la chanson Poi. On va terminer l'émission avec deux chansons d'un album paru sous une étiquette américaine, l'étiquette Not Not Fun. Rien de simple, n'est-ce pas, dans un monde où les tensions politiques n'empêchent pas les collaborations entre les individus. Et dans ce cas-ci, pour compliquer davantage les choses, il s'agit en plus d'une collaboration entre des chanteuses russes et ukrainiennes. Quand on a demandé s'il y avait à celle qui est l'âme un peu de cette compilation, s'il y avait un message politique ou féministe dans les 12 chansons de l'album, la Russe Galia Tchekis a répondu non, pas du tout. Bon, enfin, chacun y verra le message qu'il veut bien, mais musicalement, c'est un album loin d'être désagréable, dont on va entendre 2 chansons d'artistes russes. Tosai Chai dans Miss Hope, mais d'abord Galia Tchekis dans Dusha. Et ça va être la fin de l'émission. Il y a Topic du Capricorne qui suit avec Michel Bonaparte. Je vous rappelle que j'ai toujours des billets à donner, le petit théâtre. Le théâtre, le petit Champlain nous a apporté des billets tantôt. C'est vraiment gentil de leur part pour un spectacle qui a lieu ce soir à 20h. Tora et Anne Cooper. Vous appelez au 418-640-1586. Vous dites votre nom et vous venez les chercher en studio avant le spectacle, bien entendu. On écoute Tchekis dans Dusha. Далеки с тобой теперь не делим мы. На поле там сжигает дыхание ледяной луны. Мне моя душа исходит дня, пропает о том, что любовь прошла. Ты теперь не солнце, а скорее луна. Обо мне забудь, не вспоминай меня. Больше не буду в белом венге, больше не буду в белом венге сходить с небес и улыбаться. Позабуду я о тебе, тебе, тебе, тебе. Сердце заблудит и простится. Свет далеких дали с тобой теперь не делим мы. Домой обжигает. Не забудь, вспоминай меня. Voilà, c'était Tosai Chai, Miss Hope. Et c'est la fin de l'émission Les oreilles ailleurs. Michel Monette qui était avec vous depuis 15 heures. Et il y a Michel Bonaparte qui suit avec Topic du Capricorne. Tout de suite après la pause publicitaire, demeurez avec nous et bonne fin de journée. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. C'est quand même curieux que... Depuis le temps qu'on essaye d'expliquer aux gens l'origine de l'homme, la nature de l'homme, faire un petit peu d'anthropologie, quoi. Eh bien, il y a encore de ces incompréhensions qui nous mènent à des dissensions. Michel Bonaparte anime Topic du Capricorne dans un instant. On parlera pas de l'opposition entre l'homme et la femme, parce qu'il y a des, il y a quand même des, du sexisme. 89.1. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez L'art de la fugue, Fokker, Toujours Alice, While We're Young. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la Civilisation, Journal d'une femme de chambre, Le sel de la terre. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. One, two, one, two, three. Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui se tient du 14 au 17 mai 2015, CKRL est fière de co-présenter, en collaboration avec Voir Québec, le concert Marc Ribot, Ceramic Dog. Back up, one, two, three. Le samedi 17 mai à 20h, venez entendre la musique qui déménage du trio punk rock avant-gardiste au pavillon du Mont Arthabasca de Victoriaville. Listen, man, people, they're fucking sleepwalking. They're just sleepwalking, man. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez fimav.qc.ca. En mai, c'est à Victo que ça se passe pour le 31e FIMAV. Au nom de toutes les mères, je tiens à rappeler aux enfants que nous avons mis au monde que samedi le 9 mai, soit une journée avant la fête des mères, le super tirage du 649 offrira 3 lots garantis de 1 million en plus du gros lot annoncé. Je dis pas ça nécessairement parce qu'on veut se faire gâter, là. 3 lots garantis de 1 million, ça change pas l'amour d'une maman. Sauf que... hein, fiston? Oui, maman. Le super tirage du 9 mai, seulement l'auto 649. Strictly reggae music! You cannot refuse it! Strictly reggae music! Racine musicale, tous les dimanches 17h30 avec DJ Bigou et Selecta Jalabaman. Seulement 89.1, bien entendu, bien entendu. Strictly reggae music qui a plu. Strictly reggae music qui a plu. Strictly roots and reggae. 89.1 FM, la fréquence. CKRL, la station. Topic du Capricorne.